extérieur, nuit zoom sur la Jaguar. Comme au cinéma, comme au cinéma. Mise au point sur moi, mise au point sur moi. On a raconté plein d'histoires entre le jeune loup et le guépard. C'était souvent assez banal, mais ça suffit pour faire du mal. Il y a des gros plans, des images floues. La vérité, c'est juste en dessous. Qu'est-ce qu'on peut dire d'un homme comme moi? On dit ce qu'on veut, moi, je changerai pas. Quelques mots qui pourraient changer le scénario. Comme au cinéma, comme au cinéma. Mise au point sur moi, mise au point. Plan serré, musique d'ambiance. Quelquefois on se trompe de séquence. Ni pas assez simple, ni pas assez compliqué. Je conjugue ma vie à l'imparfait. Sous les projecteurs, manque de chaleur. C'est tant pis pour les acteurs. Mais quand je suis tout seul devant le miroir, derrière les mots, derrière l'image, il n'y a plus de star. Et tout ce qui se passe à l'intérieur, ça s'appelle aussi la pudeur. Le meilleur rôle d'un homme public, c'est de ne jamais ressembler à ses critiques. Moi, je suis comme tout le monde, je suis pas très sûr, mais j'ai des rêves pour le futur. De projecteurs, tout en couleur, pour faire rêver les menteurs. C'est trop dangereux pour le cœur. Car si je t'aime, si je t'aime, si je t'aime, c'est plus du cinéma, c'est plus du cinéma. Mise au point sur toi, mise au point sur toi. Je voudrais simplement qu'un jour tu reviennes enfin me parler d'amour. Les caméras resteraient à leur place et entre nous on briserait la glace. Car si je t'aime du fond de ma nuit américaine, c'est plus du cinéma. Mise au point sur toi, mise au point sur toi. Alors pour toi, pour moi, on laisserait tomber la comédie. Et on s'écrirait un roman pour toute la vie.